Le lundi 27 février, ici Dominique Lelièvre et les informations. Le Festival d'été de Québec va célébrer en grand ses 50 ans. Le directeur général Daniel Gélinas a dévoilé ce matin une série d'activités pour marquer le coup. Au Parc de l'Amérique française, une exposition géante va relater les faits marquants des 49 premières éditions à travers des photos, des affiches et plusieurs autres éléments historiques. Ce même lieu sera le théâtre chaque soir d'un spectacle de l'orchestre des hommes orchestres qui transforme des objets du quotidien en instruments de musique. La Grande Allée sera également mise à profit. Elle accueillera deux compagnies françaises pour des spectacles de marionnettes géantes, de musique et d'acrobatie. Rappelons que le Festival d'été de Québec dévoilera le 8 mars prochain sa programmation complète, soit la veille de la mise en vente des laissez-passer. Le responsable de l'accident mortel de Scott écope de 7 années de prison. L'homme originaire du Guatemala avait causé la mort de 2 jeunes hommes de 19 ans en août 2015, alors qu'il conduisait à haute vitesse et avec les facultés affaiblies. Il avait plaidé coupable à 14 des 18 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Le gouvernement de Philippe Couillard se prépare à forcer le retour au travail des juristes de l'État. Les élus sont convoqués à l'Assemblée nationale en fin de journée pour débattre d'une loi spéciale. Dimanche, Québec a rejeté la contre-proposition des juristes qui souhaitaient qu'un tiers se prononce sur leur rémunération. Les 1100 avocats et notaires de l'État sont sans convention collective depuis 1 an et en arrêt de travail depuis plus de 4 mois. Enfin, le syndicat des chauffeurs du RTC ne souhaite pas se rendre jusqu'à la grève, mais il en a désormais l'opportunité. Les 950 chauffeurs ont voté dimanche à 95% en faveur de ce moyen de pression, mais dans une telle éventualité, le syndicat devrait assurer néanmoins des services essentiels et donner un préavis de 7 jours ouvrables à sa clientèle. Le syndicat et la partie patronale se sont déjà rencontrés une 40aine de fois depuis le début des négociations l'été dernier, mais ils ne s'entendent toujours pas sur les questions des salaires, du régime de retraite et de l'organisation du travail. Le président du syndicat, Ghislain Dolbecq, a expliqué qu'une nouvelle loi provinciale avait précipité la mise en place de ces moyens de pression. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Le ciel est partiellement nuageux présentement. Cependant, Environnement Canada prévoit des averses de neige parfois fortes cet après-midi. Ce sera généralement nuageux par la suite. Il y aura de la poudrerie par endroits. Les vents seront assez présents avec 40 km/h et des rafales à 60. Un maximum de 2 degrés est prévu pour aujourd'hui. Demain mardi, alternance de soleil et de nuages, un maximum de 3 degrés. Et de la pluie mercredi avec 5 degrés. Présentement à Québec, on a 3 degrés.